Quand on était à deux, on voulait s'en aller. On était heureux, t'étais mon allié. Main dans la main, franchis tous les paliers. On voulait s'en aller. J'ai dit qu'on était deux, y'a moi et ton palier. La zone, toi, tu veux pas la quitter. Je me vois qu'à deux, toi, tu penses qu'à la cahier. Qu'à la cahier. T'as pas fauté, mais t'as me zoné. J'ai fauté. J'espère que je me trompe pas.